mercredi dernier, qui était le 18 mai, était annoncé une coïncidence. C'était l'anniversaire du meurtre du commissaire Calabresi et l'audience à Paris de Pietro Stefani, condamné à 22 ans pour être un des commanditaires avec Adriano Sofri, etc., de cet assassinat. Et alors, il y avait un truc intéressant. Il y a eu au moins 7-8 minutes à une émission de la troisième chaîne en Italie, dans laquelle il y a un journaliste qui, d'un air concerné, commence à dire « On a manqué quelque chose. On n'a pas essayé de comprendre qu'est-ce qui a pu se passer pour une génération entière. » C'était des gens que depuis, au fil des années 60, des jeunes qui s'étaient battus pour une société différente, une société d'égalité, d'amour, des relations humaines radicalement différentes, et qui, à un certain moment, confrontés au fait de la police, et puis des services secrets, et puis des groupes fascistes, etc. Qu'est-ce qui a fait que ces gens-là ont eu une réaction d'une telle intensité morale qu'ils ont pu jeter leur vie, la vie d'autres ou leur liberté dans un engagement avec les armes qui après a proliféré, a fait beaucoup d'enfants, alors c'était les années de plomb. Qu'est-ce qu'il a pu faire que toutes ces générations, qu'on ne peut pas considérer qui a agi pour des mobiles de type crapuleux ou de volonté terroriste. Et il y a eu ce type d'effet. Retour au studio radio de La Parole Errante, donc pour la quatrième émission de L'Écoute et l'Écho. Après une discussion sur le numéro de la revue de Jeff Clack, le nouveau numéro de la revue de Jeff Clack consacré à ces spectres et fantômes qui ne cessent de hanter le monde, après avoir déambulé dans le cimetière du Père Lachaise avec l'historienne Danielle Tartakovsky, nous voulions reprendre ce fil rouge de la mémoire et de ses enjeux politiques. On vient tout juste d'entendre la voix d'Oreste Scalzone à propos de ces dates anniversaires qui, en Italie, lorsqu'elles concernent les années 60-70, continue de diviser et de faire s'affronter passé et présent. En témoigne à nouveau, dramatiquement, depuis une année, la procédure d'extradition engagée en avril 2021 par les États italiens et français contre 10 anciens et anciennes militantes politiques réfugiés en France depuis le début des années 80, soit depuis 40 ans et plus. Juste avant le début des audiences judiciaires, fin mars, nous avions accueilli une première fois Oreste, ancien protagoniste du mouvement italien de ces années 60-70, et Gianni, pour le début d'une chronique sur le déroulement du procès, sur les initiatives de solidarité et sur les enjeux de cette nouvelle menace d'extradition. Nous renvoyons à ce titre à l'émission numéro 2 de L'Écoute et l'Écho, qui est disponible en ligne sur le site de La Parole Errante. Et pour cette deuxième chronique, nous avons discuté avec Gianni et Oreste à propos de l'amnistie. L'amnistie, c'est-à-dire l'effacement de la peine et des délits. Amnistie politique que l'État italien n'a jamais voulu donner aux militants qui ont adhéré à la lutte armée d'extrême gauche pendant la décennie 70. Réclamer l'amnistie, cela veut dire inscrire les choix de ces femmes et de ces hommes dans l'histoire. Signifie lutter contre l'effacement de la mémoire. C'est rappeler l'ampleur du soulèvement social qui a secoué l'Italie, ainsi que les raisons de ces luttes. Ne pas oublier les contextes où les choix d'adhésion à la lutte armée ont mûri. Dans les rues, des manifestants, des militants, des grévistes tombaient sous les balles de la police et de l'armée. Contexte des massacres perpétrés par une puissante extrême droite fasciste. Parler d'amnistie, c'est aussi se remémorer l'état d'urgence, qui a mené à des inculpations construites sur la seule base des dénonciations des repentis, militants qui, en échange de quelques noms, voyaient leur peine fortement réduite. D'autres inculpations s'est basées sur des aveux arrachés par la torture. Des milliers de militants, des militantes furent emprisonnés et des milliers d'autres prirent les chemins de l'exil. Si donc, du point de vue du pouvoir, l'amnistie, c'est l'oubli, pour qu'elle ait lieu, il faut un geste de mémoire, une prise en compte de l'histoire. L'amnistie, à niveau conceptuel, il existe dans tous les textes, comme il dit les droits, en doctrine, en norme, mais aussi en jurisprudence, mais en doctrine et en norme, il existe toute une série d'instituts qui sont appelés oubli judiciaire, renoncement à la peine. Alors, il y a des variations entre un état et l'autre. On y parle de la prescription. Prescription, il y en a des deux types, de la prescription vraiment des faits ou de la prescription de l'exécution ou de l'exécuibilité de la peine. Ça existe l'indulto, ça existe l'amnistie. C'est qu'il faut faire comprendre conceptuellement de l'amnistie. C'est qu'il y a une différence qualitative énorme. Si tu dis, comment c'est possible que vous estradiez 50 ans après ces hommes et ces femmes qui, entre-temps, c'est une vengeance de l'État. C'est faible. Parce que le problème, c'est s'il existe toute cette explication, c'était l'époque, c'était le théâtre, c'était des émotions collectives, c'était tout ce que tu veux, des intérêts, etc. Si c'est ça, donc que tu es rentré dans cette espèce de vague, on pourrait dire insurrectionnel, insurrectionnaliste, on pourrait dire, comme on dit, des maladies sub-aiguës, presque aiguës et chroniques, endémiques. Bon, une espèce d'état d'insurrectionnalité latente, avec tout ce qu'il comporte. Si tu es rentré et tu expliques cette chose, la réponse c'est que même en doctrine, on sait que le droit tel qu'il est, c'est une nouvelle langue, mais en tout cas, il est écrit dans les normes, toujours existant jusqu'à maintenant, que la réponse c'est que passé une certaine période, il n'est plus possible, il n'est plus praticable. Il faut un temps raisonnable afin qu'il puisse y avoir un jugement. Donc, même s'il y avait le renouvellement du procès, comme en France avec la purge pour les contumaces, mais même s'il y avait, tu parles des faits de 50 ans après, comment tu peux réjuger quelqu'un? Il n'y a plus rien. Et c'est pour ça que donc il y a. C'est écrit comme ça que l'État n'a plus d'intérêt à poursuivre l'action pénale. Et donc, il renonce. Et donc, l'amnistie, ça fait partie de cet arsenal. Quand on disait, vous avez vu, la commune, il y a eu 30 000 fusillés. C'est pas que les communards étaient des enfants de cœur, mais donc, il y a eu 30 000 fusillés, il y a eu les baignards, etc. Mais 8 ans après, quand un anticommunard, comme il avait été Victor Hugo, il a compris et il a lancé « Vive l'amnistie », ça a été, et à la fin, il y a eu quoi? L'amnistie. Après toute l'histoire de la sale guerre, l'Algérie, etc., il y a eu 4 amnisties dans les 7-8 ans qui sont suivis. Synonyme du mot « vie ». Ardeur, mouvement, destinée, temps, histoire. Synonyme du mot « mort », vide, stagnant, figé, spectre, plat. Aujourd'hui, il y a une espèce de négation totalement, de mise à plat du monde à deux dimensions. La troisième dimension, celle qui n'est pas du 1-2-1-2 des ordinateurs, ils ne connaissent plus. Aujourd'hui, on a cette ahurie de Macron qui dit qu'il fait ça pour la construction de l'Europe, de la justice. Voilà. Il faut qu'il soit extradé parce que les victimes demandent la moralité, le machin, etc. Il est sur un plan totalement castré de sa dimension historique. Et c'est pour ça que aujourd'hui on en est à faire du principe de la prescription, de l'amnistie, de l'oubli de la peine, etc., etc., des principes de droit qui sont à l'intérieur du droit une espèce de conscience à des niveaux différents, de conscience de ne pas être à une justice de droit divin, mais d'être inscrit dans une époque. Et qu'à partir du moment où tu sors de ce contexte, tu fais éclater la possibilité de fabriquer ensemble un sens. Parce que la nature n'a pas de sens en elle-même. Le drame et la particularité de l'être humain, c'est d'y inventer la dimension d'un sens, d'une signification. Bon, et ben, la signification, elle exige un contexte cohérent dans lequel elle puisse prendre forme, à l'intérieur de laquelle quelque chose peut commencer et finir. Et on a affaire à ça aujourd'hui, cet étau abominable. Il y a une négation du caractère relatif, historique, social, de tout ce qui est humain, de la violence, mais aussi des faits, de ce qui peut se comprendre, des lois, etc., etc. Parce qu'il y a quand même l'exercice de la violence légitime, et légitimée carrément dans une institution, la justice. On en oublie, et moi je suis assez frappé par la profondeur de l'interdit de pensée qu'il y a autour du fait prison. Dès qu'on commence à en parler, à quelque niveau que ce soit, avec qui que ce soit, ils nous disent « oui, mais qu'est-ce qu'on ferait s'il n'y avait pas ?» Voilà. Donc, on n'a absolument jamais le droit d'amorcer la moindre analyse factuelle de ce que c'est que la violence de la prison. Or, la violence de la prison, elle est au niveau théorique, elle est énorme. C'est même la plus forte qu'on puisse faire, puisqu'on atteint les gens dans ce qui les définit comme être de droit et ce qui les définit aussi comme être vivant. C'est-à-dire leur capacité à aller, venir, trouver eux-mêmes de quoi vivre. Donc, on les prive de la jouissance de leur être, de ce qui définit leur être aussi bien au niveau humain, de droit, que d'être biologique. C'est comme un oiseau en cage, quoi. Donc, c'est extrêmement violent. C'est une violence même qu'on ne peut même pas dépasser au niveau théorique. Et quand on arrive à la pratique de la prison, qui sépare les gens de tout leur entourage, qui fait un apartheid sexuel homme-femme, qui te met dans un univers totalitaire, brutal, négatif, niant totalement ce que tu es en tant que personne humaine, c'est un tout petit peu normal qu'il y ait un petit quelque chose quelque part qui inscrive les limites dans lesquelles peut s'exercer, peut prendre sens ce type d'atteinte terrible au droit humain. Bon, donc la prescription, le fait qu'il puisse y avoir des juges d'application des peines qui puissent libérer des gens avant l'heure, etc., etc., c'est quelque chose de fondamental. Or, dans notre monde ici totalement ahistorique, raplati, dans ces espèces de glacis dans lesquels on est aujourd'hui, ils ne peuvent même plus supporter ça, ils font des peines incompressibles. Mais c'est très étonnant comme principe, les peines incompressibles. Ça veut dire que non seulement on n'a pas le droit au passé, mais on n'a pas le droit non plus à l'avenir. Il n'y a plus de passé, parce qu'il n'y a plus d'histoire, il n'y a plus d'avenir, parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui se fera. Comment on peut, à un instant T, d'une certaine façon, institutionnaliser la méfiance pour des juges qui vivront à l'instant T plus 10 ans et qui seront dans la situation dans laquelle on sera dans 10 ans et qui verra qui est ce personnage dans cette situation et qui pourra donc juger beaucoup mieux que nous s'il est libérable ou pas. Non, me semble-t-il. C'est quand même plus facile de décider, même avec leurs propres critères, de voir que quelqu'un n'est plus un danger pour la société, etc. Ça sera beaucoup plus facile pour les gens qui seront là dans 20 ans que de dire que la panne est incompressible, panne de 20 ans, maintenant il y a des pannes incompressibles de plus de 20 ans, c'est-à-dire plus que la limite de la prescription en droit français. Ben maintenant, il y a des gens qui devront nécessairement faire leurs 20 ans. Mais comment tu peux, d'ici maintenant, comme ça, lancer une espèce de filet sur la situation qui sera dans 10 ans, 12 ans ou dans 15 ans? Quand on y réfléchit, c'est même insoutenable. Je ne vois pas quel argument on peut avoir pour dire qu'une peine doit être incompressible. C'est se méfier non seulement du passé, mais aussi de l'avenir. Voilà. Il n'y a ni passé, ni avenir. On décide à froid, à plat. C'est peut-être une simple image, mais pour moi, c'est vraiment qu'aujourd'hui, on vit sur une feuille de papier, à plat. On a donc écouté quelques éléments d'une réflexion en cours, en partie improvisée et généreusement partagée par Oreste et Gianni, sur les enjeux politiques du procès donc intenté aux asilés italiens, italiennes, et ce qu'il révèle de notre situation présente à toutes et tous. Pour généraux qu'ils soient, ces enjeux, on l'aura compris, sont totalement liés aux aspects proprement juridiques. Et alors que nous approchons de la fin de la procédure, deux points importants sont à rappeler. Très brièvement, concernant les audiences qui ont déjà eu lieu devant la chambre d'instruction de la Cour d'appel de Paris. L'avocat général, et donc le parquet en personne, a requis que la Cour demande à la partie italienne un complément d'information au motif qu'il y aurait possiblement des omissions volontaires de sa part. Quant à la défense des 10 asilés italiens, italiennes, elle ne s'est pas associée à cette demande dans la mesure où elle va beaucoup plus loin et entend plaider pour le rejet de la procédure dans son ensemble, pour cause d'irrecevabilité. En quelque sorte, les mêmes raisons qui ont invalidé les précédentes tentatives d'extradition doivent s'appliquer encore aujourd'hui et entraîner l'annulation de cette nouvelle procédure. Et on vous invite à aller fouiller, regarder, lire les sites Mémoire et Présence FR. Et on peut effectivement trouver les suivis plus détaillés des audiences, l'agenda et les récits des actions de solidarité, ainsi que des textes d'analyse et des archives. On devrait, pour éviter de s'engouffrer pour les prochains 10 ans dans des trucs, on ne devrait pas, jamais, parler de « il y a eu une défaite ». À mon avis, on peut dire c'est fini un cycle, mais un cycle au sens notre cycle existentiel. On a donné, on a fait une tentative, on a eu des gens qui sont morts, on a casqué ce qu'on a casqué. Donc nous, franchement, sans aucun, on ne va pas recommencer. Nous, cette génération, moi, mes copains, on a fini pour être déconfit. Mais il y aura toujours, sinon, quelqu'un, là, surtout du côté anar, qui dira, tant qu'il y a un qui n'accepte pas et n'intègre pas la défaite dans les derniers cachots du monde, il n'y aura pas de défaite. Alors, le temps passe, mais au tournant du siècle, les militants obtiennent enfin une plaque aux morts de la Commune. C'est une victoire. Bon, donc les cortèges s'organisent tous les ans. À partir de 1920, enfin à partir de 21, c'est-à-dire à partir du congrès de Tours, à partir de la scission entre communistes et socialistes, et les communistes et les socialistes et les anarchistes, mais ils ne sont pas beaucoup, organisent, j'allais dire simultanément, mais pas ensemble, le cortège. Le rapport des forces fait qu'à Paris, les communistes sont sensiblement plus nombreux que les socialistes. Donc ça devient dans les années 20 quand même un petit peu la chose du Parti communiste, même si les socialistes s'inscrivent dans le sillage, il y a des anarchistes derrière, mais le rapport des forces, là, est dans le sens des communistes. En 1935, Henri Barbusse, déplaçons-nous. C'est l'auteur du Feu, hein, donc c'est la génération du Feu. C'est le fondateur de l'Association républicaine des anciens combattants et de la revue Clarté, donc cette génération du Feu antimilitariste et qui prend part majeure dans les combats contre la guerre dans les années 20. C'est par ailleurs grand écrivain. C'est lui qui va animer à partir de 1932 toute une série d'organisations de masse, dont Amsterdam Pleyel, qui sont des associations contre la guerre et contre le fascisme, et qui est donc un des éléments moteurs de l'émergence de la lutte antifasciste 1932-1933 en France. Et il meurt au cours d'un voyage à Moscou en 1935. Alors il y a une cérémonie grandiose à Moscou, le corps est évidemment rapatrié en France. Il est inhumé assez loin d'ici, dans le cimetière, là où on enterre à cette époque-là, enfin à ce moment-là. Au moment de du premier anniversaire de la mort de Barbusse, la tombe est déplacée. C'est un peu une OPA, hein, parce que la famille Barbusse avait un caveau de famille dans sa maison de campagne dans le sud, je ne sais plus très bien où, mais enfin fort loin d'ici. Il y a une dépossession familiale, d'une certaine manière, au profit de l'histoire. C'est un tout début de transfert, et le transfert devient total lorsque l'année suivante, 1937, Paul Vaillant-Couturier meurt prématurément, hein, puisqu'il est né en 1892, il meurt en 1937. Vaillant-Couturier, c'est pareil, c'est la génération née du Feu. C'est le rédacteur en chef de l'Humanité. Il joue un rôle majeur, là encore, dans l'émergence des mouvements antifascistes. Et donc, il y a un phénomène de transfert qui s'opère entre la mémoire de la Commune et la mémoire de l'antifascisme, en passant par le pacifisme, et qui fait qu'à partir de 1936, on ancre ce qui va devenir ce qu'on va appeler, c'est décrit nulle part, mais ce qui va s'imposer comme étant le panthéon communiste, les cortèges, le cortège qui a lieu en 1936, entre les deux tours des élections. Le Rassemblement populaire victorieux vient apporter sa victoire au pied des communards. On a une espèce de transfert de l'histoire, et c'est l'histoire qui devient victorieuse, mais qui devient victorieuse parce qu'elle s'ancre dans l'histoire de toutes les luttes antérieures matérialisées dans l'espace.